Eh bien, merci Mike de me passer le relais. On te retrouve sur Fadjet mercredi prochain, même heure et même endroit. Bonne soirée à toi. Allez, l'émission est chargée ce soir, alors générique Annick. Musique live avec Yo sur Fadjet tous les deuxièmes et quatrièmes mercredis du mois. Voilà, et bien comme tous les deuxièmes mercredis de chaque mois sur Fadjet, c'est le 20h avec musique info. Alors on y va, jingle. Madame, monsieur, bonsoir. C'est l'heure de votre journal. Nous parlerons ce soir de l'actualité internationale, nationale et locale. Mais ici, sur Fadjet 94.2 et sur Fadjet.net, il s'agit d'actualité musicale et uniquement avec des bonnes nouvelles. Bienvenue à tous. Il est 20h. Génial. Allez, on commence tout de suite par l'actu internationale. La légende de la soul et du R&B, Lionel Richie, dévoile enfin ses souvenirs dans un ouvrage intitulé Truly, qui est aussi le titre d'une de ses chansons. Ce qui veut dire vraiment, en français, est attendu par ses fidèles fans français. Publié aux États-Unis en septembre 2025, le livre est sorti en France le 18 février dernier au prix de 21 €, offrant aux lecteurs francophones un accès inédit aux confidences d'un artiste mythique. Dans ses mémoires, Lionel Richie raconte avec franchise et sensibilité son parcours unique de ses débuts modestes jusqu'aux scènes les plus prestigieuses du monde. Né en Alabama, il se remémore son enfance, ses premières expériences musicales, sa timidité avant de devenir le leader du groupe Les Commodores. Il partage ses découvertes culturelles et ses expériences formatrices de Harlem, puis dans les années 60 sur la Côte d'Azur, car il adore venir en France. Signé par la mythique Motown, Lionel Richie a ensuite entamé une carrière solo qui a marqué l'histoire de la musique jusqu'à la coécriture de We Are The World avec Michael Jackson. Il était encore en juin dernier à Paris-Bercy pour un concert devant 20 000 personnes. Le voilà dans un de ses plus grands tubes, All Night Long, c'est parti! Throw away the work to be done. Let the music play on, play on, play on, play on. Everybody sing and everybody dance. Lose yourselves in wild romance. We're going to party, Karambu, Fiesta, forever. Come on and sing along. We're going to party, Karambu, Fiesta, forever. Come on and sing along, everybody. All night long. All night. All night long. Yeah. All night long. All night. All night long. Wait a minute right here. Said once you get started, you can't sit down. Yeah. Everybody say, oh. Yes, comme il dit. Allez, autre actu, Jackson Browne, la voix qui a donné des mots à une génération. Le site Netflix vient de sortir la bande-annonce officielle du film documentaire Jackson Browne, The Voice That Gave Word to the Generation. Ce n'est pas juste qu'un documentaire musical sur la vie de cet artiste californien célèbre bien au-delà des USA depuis le début des années 70. C'est un voyage de l'un des chanteurs auteur, compositeur les plus influents de son époque. Le film retrace donc comment Jackson Browne a fait confiance à son instinct et redéfinit un style musical moderne. Ce qui rend ce documentaire incontournable, ce sont des images rares, des coulisses, des réflexions personnelles. Les spectateurs comprendront enfin pourquoi son nom porte tant d'admiration et de respect au sein de l'industrie musicale. Le documentaire est sorti début mars. Allez, on l'écoute dans une de ses plus belles chansons, Doctor My Eyes. You see, I hear the cry. Génial. Sinon, aux USA, ces temps-ci, c'est calme, mais on peut l'expliquer par d'autres préoccupations qu'ont les Américains actuellement. Pour les concerts annoncés en Europe, c'est calme aussi durant cet été 2026 qui arrive. Pas grand-chose à se mettre sous la dent, si quand même Lenny Kravitz qui vient en France pour quelques festivals, et le 8 juillet à l'Open Air à Luxembourg. Et puis, nous avons aussi Bruno Mars qui sera au Stade de France les 18, 19 et 20 prochains, dépêchez-vous, les raisins partent très très très vite. Les Anglais viennent, eux, pas mal en France cette année. D'abord, Jamiroquai, qui vient cet été en concert, ainsi qu'Iron Maiden, dans plusieurs festivals, et à la Défense Arena en juin prochain. Mais aussi Deep Purple, qui seront, quant à eux, en France en octobre et novembre de cette année, pour 6 dates. Décidément, les vieux hard rockers sont à la mode ces dernières années. Petite info concernant Eric Clapton, il tourne en Europe en avril et mai prochain, pas de date en France, et avec seulement 2 tarifs de place à 150 et 250 euros. Bon, même si c'est un dieu pour de nombreux musiciens, pour ma part, je trouve que c'est quand même un peu excessif, et je comprends que les tourneurs français hésitent à le faire venir. Bon, pour terminer la rubrique, on va se faire un petit plaisir avec 2 lives, Marianne, donc, qui seront bientôt en France, en live, et mon titre préféré d'eux, c'est Easter, et ensuite un classique de Deep Purple live dans son jus de 1970, Chilling Time. Allez, c'est parti, en tout pour 16 minutes, vous êtes sur Fadjet et il fait bon. I'd rather do this because it involves less singing on my part. So this is Easter, sing it to me, sing it to us. Et là, vous allez voir comment un public peut chanter. All together, loud as you can. Et vous pouvez chanter aussi. C'est terrible. Si vous voulez avoir les poils qui poussent pendant 2 heures, aller à un concert à Manchester ou à Liverpool, vous allez voir, c'est étonnant à chaque fois, comme l'ambiance est terrible. On va écouter maintenant donc Deep Purple avec un live de 1970, Chilling Time. Avec l'intro, j'ai mis geek. Crying sweet child in time, you'll see the line that's drawn between the good. You have, and you've not been hit, not been hit by flying lead. You better close your eyes, you'd better bow your head. Wait for the Il n'y a que sur Fadjet qu'on vous fait écouter des titres qui durent plus de 10 minutes. Mais au moins, quel régal! Ça donne envie quand même d'aller les revoir sur scène en France lors de leur tournée. Allez, on passe maintenant à l'actualité en France. Justement, vous avez peut-être suivi à la télévision les Victoires de la Musique 2026 qui ont fait un flop. Seulement 1 600 000 téléspectateurs au début de la cérémonie et moins d'un million à la fin. Bon, c'est un peu normal. Les papis et mamies n'ont rien compris au nouveau jeu de Cyril Ferraud et se sont endormis comme d'habitude à 22h après leur camomille avant l'arrivée de Nana Mouskouri. Pas de chance. En résumé, les vainqueurs ont gagné, les perdants gagneront l'année prochaine, ça on le sait. Je vous conseille de plutôt regarder les Victoires du Jazz le 21 mai prochain sur France 4. Je vous propose aussi que cette institution des Victoires crée enfin des Victoires du Rock et les Victoires de la chanson française. Voilà, c'est dit. Nous attendions sinon un nouvel album de Gauvin Serre et une tournée pour présenter ses nouveaux morceaux. Et ben ça y est, c'est calé. L'album sort en septembre et la tournée démarre novembre avec un Olympia prévu en janvier 2027. Pas de date de prévu pour l'instant en Lorraine, mais je suis sûr que ça va venir très vite. En attendant, le voilà en live et à Brive-la-Gaillarde, et s'il vous plaît, on se refuse rien, dans le 20h de Music Live, avec une de ses chansons, Comme si c'était hier. Allez, c'est parti Gauvin, c'est à toi. Thank you. comme si vous y étiez, il rentre sur scène. J'ai avoué à ta mère que t'étais celle que j'attendais. Je me souviens d'une première manif, lancer des œufs sur leurs carreaux. Je suis pas passé loin du bourg-pif quand je l'ouvrais un petit peu trop. Je me souviens bien de ma première bière, mais pas de celles qui ont suivi. La première fois que tu m'as souri, je m'en souviens comme si c'était hier. Comme si c'était hier, de jouer au cow-boy sur ma chaise, frapper à deux mains mes revers, pleurer les deux tours new-yorkaises. Je me souviens d'un problème de maths avec une baignoire à remplir, et je me souviens d'une petite boîte où j'entassais tous mes souvenirs. Je me souviens de la voix de ma grand-mère, les pots de confiture sur la table, le Monopoly. Je m'en souviens comme si c'était hier. Je me souviens comme si c'était hier d'avoir Paris à ma fenêtre. Pour un creusois de souche, c'est clair que c'est comme changer de planète. Je me souviens d'une guitare nylon et des ratures dans un cahier. Mais disons que ma première chanson, j'essaye encore de l'oublier. Je me souviens comme si c'était hier, des journées de colère profonde, quand une usine passe pas l'hiver et qu'une ordure dirige le monde. Je me souviens et je me souviendrai pour le raconter à mon marmot, quand tu demanderas comment c'était en ajustant son sac à dos. Je me souviendrai bien sûr aussi que ce coup de fil a tout changé et Alzheimer peut s'accrocher, ça tombera jamais dans l'oubli. Allez, toujours des infos en France. On attendait le nouvel album de Christophe Maé. Eh bien, ça y est, il sort le 20 mars, dans quelques jours. Il sera en concert les 28 et 29 mai prochains aux Folies Bergères à Paris, suivi d'une tournée à partir de juin pour presque un an complet. Il passera chez nous au Galaxy Amnéville le 16 octobre. Mylène Farmer vient d'annoncer un nouvel album pour la fin de l'année. Un album étonnant, selon les rumeurs. Et puis, Axel Red, notre pute française des Belges, belge. Après 8 ans presque de silence, elle sortira un nouvel album à la fin de l'année et a déjà dévoilé un premier titre à la RTBF, Les Gentils Anarchistes. Mais moi, je préfère celle-là de chanson. Et je sais que vous aussi. Et pourquoi ? Parce que c'est toi et que ça me rappelle aussi des bonnes soirées dans un vieux bar qui n'existe plus à Nancy qui s'appelait le Terminal Export où elle était venue chanter à ses tout débuts. Allez, Axel Red. Tomber pour un détail, pour une futilité. N'aie pas peur, je saurai bien faire la différence. Si tu crains un jour que je te laisserai faner la fin de l'été, un mauvais cap à passer. N'aie pas peur, personne d'autre pourrait si facilement te remplacer. Oh non, pas toi. Vraiment, pas toi. Parce que c'est toi le seul à qui je peux dire qu'avec toi je n'ai plus peur de vieillir. Parce que c'est toi. Rester seul dans un monde insensé. Si tu crois un jour tout est à refaire, qu'il faut changer, on était si bien à guerre. N'aie pas peur, je veux pas tout compliquer. Pourquoi se fatiguer? Et commence pas à te cacher pour moi. C'est toi à qui je pourrais pardonner. Parce que c'est toi. Rien que pour ça. Parce que c'est toi, je voudrais un jour un enfant. Et non pas parce que c'est le moment. Parce que c'est toi. Avec toi, je n'ai plus peur de vieillir, parce que c'est toi. Rien que pour ça. Autre info, la réédition du livre de l'ami Alexis H, notamment chroniqueur France TV aux Arocs, de son livre Eagles Live in the First Line, le seul livre à ce jour en français du groupe Eagles, réactualisé. Une véritable bible pour les fans. À travers cette histoire, c'est celle aussi de 50 ans d'histoire musicale en Californie. C'est aux éditions Le Mot et le Reste, 260 pages pour 23 euros. Dernière actualité tue, c'est Gaël Buzwell qui a fait le buzz sur internet grâce à Raphaël Mesrahi et sa soirée de la déprime, avec une reprise du titre justement des Eagles, Hotel California, et accompagné de Fred Chapelier, le Lorrain, qu'on embrasse bien fort, Jean-Félix Lalanne aussi, toujours aussi talentueux, Jérôme Tiozzi, Frédéric Renaudin, Steve Melmonte, Fifi Chayeb, Pierre-Antoine Gillard Estrada, et au cœur Lena Woods et Evita, ainsi qu'avec la complicité amicale de Catherine Ringer. C'était un grand moment, salué comme il se doit, avec plus d'un million de vues en 24 heures sur le net. Allez, on va écouter le dernier single de Gaël Buzwell, That All Right, avec déjà plus de 200 000 vues sur le net, tiré de son album qui va sortir là le 26 mars, et ensuite elle part en tournée. Elle sera en concert chez Paulette à Pagny-sur-Barine, oui, chez notre Paulette, le 26 septembre prochain. Allez, on l'écoute tout de suite, That's All Right, et pour nous aussi, That's All Right. You gotta listen. Don't be just a number. voilà, c'était Gaël Buswell. Et on passe à l'actu Nancy et sa région avec un petit focus sur un groupe nancéen, Johnny Jungle. Johnny Jungle est un trio funk rock formé à Nancy en 2022, composé d'Adria à la batterie et au chant, de Gauthier à la guitare et au chœur, et Victor à la basse et au chœur. Le groupe puis ses influences dans le groove californien, des mélanges accrocheuses, l'énergie rythmique du hip-hop avec un brin de 70s anglo-saxonne. Leur album éponyme enregistré dans les studios de L'Autre Oreille à Metz vient de sortir, il est tout chaud. Pour les avoir revus sur scène il y a quelques jours, ils se distinguent par un jeu brut, des harmonies vocales puissantes et une réelle envie de partage. Leur concert laisse place à l'improvisation et à l'échange, transformant le live en moment vivant et spontané. Je les recevrai le mois prochain dans Music Live pour la setlist de l'invité, le mercredi 29 avril à 20h. En attendant, on les écoute dans Too Much to Ask. Of my dreams, baby, yes. Am Et voilà, c'était Johnny Jungle, un nom que vous devez retenir parce que on va les entendre, je pense, beaucoup et bien au-delà de Nancy, très prochainement. Allez, les dernières actus locales. Tout le mois de mars, au Bistrot Georgette, rue Saint-Georges à Nancy, vous pourrez assister à de nombreux concerts, soirées DJ, un vrai festival. Retrouvez tout leur programme sur Insta. Bon, sur Nancy, au programme aussi, le 18 mars, Ange à l'autre canal à Nancy, mais je vous en ai déjà parlé dans une édition précédente. Le 19 mars, c'est la James Blues Rock avec le GGF Group à la BSG à Nancy. Le 20 mars, c'est le concert blues et jam pour fêter le printemps avec Steph et Jordi au Bazar à Pierrot à Nancy. Le 21 mars, c'est les Soul Survivors qui sont chez Patrick à Nancy. Le 27 mars, c'est le retour d'El José, un guitariste connu de tout Nancy, qui sera la MJC à Marmache. Et enfin, vous retrouverez le 28 mars les Drive-In Soul à la brasserie La Fontaine à Vendeuvre. Eh bien voilà, notre nouvelle édition du 20h de Music Life se termine sur ces infos. On se retrouve dans 15 jours avec un spécial Music Life avec la setlist de l'invité où je recevrai Charles Després. Le podcast sur valjet.net arrive vite. Toutes les actus sont sur Facebook dans le groupe Music Live by Yo on Fajet. Dans quelques instants, vous retrouverez Z avec son parfum d'étoiles. Belle fin de soirée sur Fajet. Et n'oubliez pas, allez voir des concerts pour respirer l'air du temps. Ciao !